Avec un max de tubes. Un max de tubes. Ouais. Sur Radio Sénère, c'est ta radio locale dans toute la gloire. Tout dans les problèmes, on m'a dit, tu prends trop la tête. Essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie. T'ouvres les bras, je me suis dit, ah ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Maman me voyait devenir architecte ou médecin. J'tape à l'usine, mon boss me voit comme un voyou.